إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد aujourd'hui alhamdulillah on continue notre dars du livre du Cheikh Al-Fawzan Al-Irshad ila Sahih Al-Aqiqad et on est arrivé à l'endroit où le Cheikh explique النكر في السور والصائق c'est-à-dire lorsque Allah subhanahu wa ta'ala va ordonner qu'on souffle dans le clairon et yani, on va expliquer les différentes sortes qu'est-ce qui va se passer. Yani, il y aura trois coups de clairon et on va expliquer chacun de ces coups-là, qu'est-ce que ça signifie, qu'est-ce qui va se passer lorsque ça va arriver, inshallah. Donc, le cheikh il commence et il dit « وَقَدْ تَكَرَّ ذِكْرُ النَّفْسِ فِي السُّورِ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ » وذكر ما يحدث عند ذلك وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والقرآن قد أخبر بثلاث نفخات نفخة الفزع ذكرها في سورة النمل في قوله تعالى ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله نعم donc le cheikh l'explique il commence à citer les paroles de l'imam Ibn Taymiyyah et il dit yani, que Allah dans le Coran il a parlé de trois suppléments dans le clairon. Le premier c'est le premier soufflement c'est celui de l'effroi, hein, al-fazaa, c'est-à-dire la terreur, les gens vont être terrorisés par ce coup de clairon. Et Allah l'a mentionné dans Sourate al-Naml. La sourate même dans le Coran. Et Allah il dit, et le jour où on soufflera dans le clairon, alors tout ce qui est dans les cieux et sur la terre seront terrorisés, seront en effroi, excepté ceux que Allah a, yani, ceux qui n'a pas voulu. Yani, c'est-à-dire, il y en a une partie de sa création qui ne sera pas effrayée. Donc ça, c'est, on va voir plus tard qui sont ces gens-là. Ou qui sont ces créatures-là. Le cheikh il continue et il dit وَنَفْخَةُ السَّعِقِ وَالْقِيَامِ ذَكَرَهُمَا فِي سُورَةِ الزُّمَرِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَنُفِخَ فِي السُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهِ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ نعم donc le cheikh il dit puis par la suite il y aura le soufflement du foudroiement et celui de la résurrection, c'est-à-dire il y en aura deux autres après celui-là. Le premier c'est celui du foudroiement, tout le monde sera foudroyé, hein, tout ce qui vivant va être foudroyé, et par la suite il y aura un autre coup, et ça va être celui de la résurrection. Et Allah subhanahu wa ta'ala a parlé de ces deux derniers coups, le clairon dans Sourate Az-Zumar, dans la parole où il a dit que lorsqu'on soufflera dans le clairon, alors tout ce qui est dans les cieux et sur la terre seront foudroyés, sauf ceux qu'Allah a voulu, excepté ceux qu'Allah a voulu. ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى puis on soufflera encore une fois, et les voilà qu'ils seront debout devant Allah subhanahu wa ta'ala, et ils regarderont. Et le chef il dit أَمَّا الْإِسْتِثْنَاء فهو متناول لمن في الجنة من الحور العين فإن الجنة ليس فيها موت ومتناول لغيرهم ولا يمكن الجزم بكل من استثناه الله فإن الله أطلق في كتابه وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق فأجد موسى آخذا بساق العرش فلا أدري هل أفاق قبلي أم كان ممن استثناه الله. Donc le chef il explique que l'exception dans ce verset là, quand Allah dit par exemple Inna Masha'Allah, excepté ceux que Allah a voulu, eh ben il dit que c'est possible que ça signifie yani, les femmes Hur al-Ain, les femmes du paradis. Parce que ceux qui sont dans le paradis ne peuvent pas mourir. Yani, dans le paradis il n'y a plus de mort. Donc c'est possible que ce soit eux, c'est ça que le chef dit. Mais il dit que c'est possible aussi que ça implique d'autres que eux, et il n'est pas possible de dire avec certitude qui sont ceux que Allah a excusé dans ce verset-là d'être foudroyé. Mais le cheikh il dit que Allah a laissé ça ouvert, il ne l'a pas spécifié dans son livre. Par contre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith que les hommes seront foudroyés au jugement dernier. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que je serai le premier qui va se réveiller. Une fois que les gens auront été foudroyés, eh ben, le premier parmi les gens qui vont se réveiller, ce sera le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit, et je vais trouver, et lorsqu'il se réveille, il regarde et il voit Moussa qui est accroché à une des pieds du trône. Une des pieds du trône. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, et je ne saurais pas, est-ce qu'il s'était réveillé avant moi, ou bien est-ce qu'il a fait partie des gens que Allah sallallahu alayhi wa sallam avait mis dans cette exception. C'est-à-dire que ceux qui ne seront pas foudroyés dans le verset. Yani. Donc ça c'est un hadith qui montre que c'est possible aussi qu'il y ait même Moussa qui soit parmi ces gens-là. Et puis peut-être qu'il y en a d'autres, c'est seulement Allah sallallahu alayhi wa sallam qui connaît. Après le chef il dit وهذه السائقة قيل إنها رابعة وقيل إنها من المذكورات في القرآن انتهى. يعني le chef il dit que parmi يعني ce foudroiement, il y en a qui ont dit, certaines personnes ont dit que c'est le quatrième coup, mais il y en a d'autres qui ont dit que c'est possible que c'est une parmi celles qui sont mentionnées dans le Coran. D'accord. Et ça c'est la fin de la citation de l'imam Ibn Taymiyyah. Par la suite, le cheikh il continue, et là il va citer les paroles d'un autre imam qui est As-Safarini. Il dit, قال As-Safarini, وَعْلَمْ أَنَّ النَّفْخَ فِي الصُّورِ ثَلَاثِ نَفَخَاتِ. Donc, sachez que le soufflement dans le clairon, eh bien, c'est trois différents soufflements qu'on a mentionnés tout à l'heure, mais là, il va les mentionner avec plus d'explications, plus de détails. Il dit, نَفْخَةُ الْفَزَعِ وهي التي يتغير بها هذا العالم ويفسد نظامه وهي المشار إليها في قوله تعالى وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق. Donc le chef il dit que le premier soufflement c'est le soufflement qui va terroriser et effrayer tout le monde par la création, excepté ce que Allah a voulu. Et c'est le soufflement qui va faire changer tout ce qui se produit dans cet univers. Tout ce qu'on connaît comme étant ordinaire et normal, tout ce qui a d'ordre dans l'univers et dans la création va être troublé, va être débalancé. Il n'y aura plus l'équilibre qu'on connaît actuellement dans le monde. Et ça, on peut trouver beaucoup de versets qui parlent de ça dans Juz Amma. Dans le dernier jour du Coran, on voit toutes les histoires qui commencent et Allah il commence à mentionner des événements qui vont se produire vers la fin des temps, lorsque les montagnes seront écrasées, lorsque la mer va exploser, lorsque la lune et le soleil vont se teindre, toutes sortes d'événements de ce genre. Ça, c'est des choses qui vont se produire à ce moment-là, lorsque Allah aura fait souffler dans le premier coup de la trompe. Et le chef il mentionne un verset dans lequel Allah SWT dit au sujet des mouchriquins, ils n'attendent qu'un seul coup, qu'un seul cri. Hein? Et voilà, un seul cri qui ne se répète pas. Donc ça c'est dans Surat Sad. Et le chef il dit ma laha min fawaq ay min rujur min rujuin wa marad wa qawluhu wa nusikha fi as-sur fa faza'a man fi as-samawati wa man fi al-ard illa man sha'a Allah. Donc il a mentionné encore une fois le même verset dans sourate An-Naml, et on soufflera dans le clairon et voilà que yani, tous les êtres sont dans le ciel et la terre seront pris d'effroi excepté ceux qu'Allah a voulu. Puis le chef il mentionne les paroles de Az-Zamakhshari, il dit fassara Az-Zamakhshari fi kashafihi al-mustafna fi hadha al-aya biman thabata Allah qalbahu min al-mala'ika وهم جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت وقيل غير ذلك وإنما يحصل الفزع بشدة ما يقع من هول تلك النفخة نفخة. Donc le chef il dit que Az-Zamakhshari, et il est important de mentionner en même temps que Az-Zamakhshari est un Mu'tazili, fait partie de la secte des Mu'tazila. Donc dans son tafsir qui s'appelle Al-Kashyaf, il a fait beaucoup de ta'wil des sifat d'Allah subhanahu wa ta'ala et il nie al-qadar. À chaque fois qu'Allah subhanahu wa ta'ala mentionne ses noms et ses attributs, et à chaque fois qu'il, par exemple, qu'il mentionne quelque chose qui a rapport avec al-qadar, eh bien, il essaie de lancer des shubuhat pour essayer de nier ces choses-là. Par contre, les ulama, ils disent que, au plan linguistique, il y a beaucoup de bénéfices dans ce tafsir-là. C'est-à-dire, au plan linguistique, il y a beaucoup de fawa'id. Il y a beaucoup de choses qu'on peut bénéficier au plan linguistique. Donc, beaucoup d'ulama, des fois, ils se réfèrent à ce tafsir-là dans ce sens-là. Yani, malgré que pour, en ce qui concerne l'aqidah, les versets qui parlent de sifat ou d'autres aspects de l'aqidah, yani, ils avertissent les gens contre le mal qui est dans ce tafsir. Et parmi les ulama du tafsir qui ont réfuté beaucoup des shubuhat de Az-Zamakhshari, il y a Abi Hayyan al-Andal aussi dans son livre Al-Bahr al-Muhit, il a récité beaucoup de ces shubuhat. Mais à chaque fois qu'il tombe sur un verset qui mentionne ça, des shubuhat, des choses à propos des sifat ou al-qadar ou d'autres, eh bien, Abi Hayyan il vient et il mentionne ces shubuhat et il mentionne une récitation de ces shubuhat. Donc, qu'est-ce qu'il a dit Az-Zamakhshari dans son tafsir Al-Kashyaf? Il a dit que l'exception dont Allah subhanahu wa ta'ala parle dans ce verset-là, eh bien, c'est au sujet de ceux que Allah subhanahu wa ta'ala a raffermi, ceux dont Allah a raffermi le cœur parmi les anges. Et il mentionne des noms d'anges comme Jibril, et Mikaïl, et Israfil, et l'ange de la mort, et d'autres parmi les anges également. Et le chef, il dit que, La raison pourquoi, d'où vient la raison de l'effroi, eh bien, c'est à cause, justement, cette crainte-là, elle vient à cause de la dureté du coup qui vient à cause de ce soufflement du premier coup de clairon. Et ça va être un soufflement, tellement puissant, qui va faire trembler, trembler de peur tout ce qui existe dans tout l'univers entier. Hein. Et puis, tout à l'heure, on va mentionner des exemples, vous allez comprendre un petit peu. Un petit peu plus au sujet de la grandeur de ce clairon et de ces choses-là. Cheikh il dit en deuxième, il a un qal, un nafratu thaniya, nafratu sa'iq. Wa fiha halaku kulli shay. Qal ta'ala, wa nufriqa fi s-suri, fa sa'iqa man fi s-samawati wa man fi l-ard, illa man sha' Allah. Wa qad fussira as-sa'iq bil-mawt. Le chef, il dit, Safarini, il continue, il dit, le deuxième coup du soufflement, c'est le soufflement qui va foudroyer tout ce qui existe dans l'univers. Et, le chef, il dit que c'est la destruction de toute chose et la perte de toute chose. Et il dit, le verset dans lequel Allah s'en parle, dans Surat Az-Zumar, et on soufflera dans le clairon, et tout ce qui est dans les cieux et la terre, va être foudroyé, excepté ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu. Et il dit qu'on a interprété le foudroiement par la mort. On explique ça également par la mort. Il a un qal, jusqu'à ce que le cheikh dise, wa s-sur, qarnun min nour, yuj'al fihi arwah al-khala'iq. وقال مجاهد كالبوق ذكره البخاري وأخرج الترمذي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما الصور؟ قال قرن ينفخ فيه. قال الترمذي حديث حسن. Donc le cheikh il dit par la suite, et as-sour, le mot en arabe qu'on traduit comme étant le clairon, ben le cheikh il dit que c'est une trompe, c'est comme une sorte de corne en lumière, qui est fait de lumière. Et c'est là-dedans qu'on place les âmes de toutes les créatures. Et Mujahid il dit que c'est comme al-bouq. Et al-bouq c'est exactement, c'est un autre synonyme pour faire comprendre ce que c'est as-sour. Et c'est rapporté par, c'est mentionné par l'imam al-Bukhari. Et par la suite, le chef il mentionne un hadith qui est rapporté par l'imam al-Tirmidhi, selon Abdullah ibn Amr ibn al-As, qui dit qu'un bédouin est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a demandé qu'est-ce que c'est as-sour. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est une corne dans laquelle on souffle. Hein? C'est une corne dans laquelle on souffle. Vous connaissez un peu les. Ces cornes, comme les vikings là, il y avait un casque avec deux cornes, comme ça. Et bien, c'est dans cette forme-là. Donc, après, le chef dit, « Thumma, al-nafratu thalitha, nafratu al-ba'at wal-nushur, wa qad ja'a fi al-kitab al-aziz, ayatun tadullu alayha, wa akhbarun tushiru ilayha. » كقوله تعالى ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون وقوله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وقوله تعالى فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير وقوله تعالى واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق. Donc, ça c'est des versets qui mentionnent ce troisième soufflement de la trompe et il dit, le troisième soufflement c'est le soufflement de la résurrection et du rassemblement des hommes, hein, et il mentionne des versets dans le Coran qui disent, par exemple, le premier verset c'est, on ne fait pas plus sourd, et voilà, on soufflera dans la trompe, et voilà que, qu'ils sortiront de leur tombe et qu'ils se précipiteront vers leur Seigneur. Donc, tous ceux qui étaient dans leur tombe vont être ressuscités. Ensuite, un autre verset qui est mentionné qui dit « Et on soufflera un autre coup, c'est-à-dire le troisième, et les voilà qu'ils seront debout et qu'ils regarderont. » Et dans un autre verset, Allah Subhanahu wa Ta'ala dit « فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ » Et « النَّاقُورِ » c'est la même chose que « السور » c'est le clairon. فإذا فذلك يوم إذن يوم عسير c'est un jour, ce jour-là sera un jour difficile et pour les kafirin, pour les gens qui sont kuffar, ce ne sera point facile. Yani. Donc il dit c'est un jour difficile et pas du tout facile yani, pour les mécréants. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبخير الشيخ يقول وقوله تعالى واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب et écoute le jour où le crieur criera d'un endroit proche, le jour où ils entendront le cri en toute vérité, yani as-sayha, c'est-à-dire le coup de clairon, yani c'est comme un cri, c'est comme un cri. Et le chef il dit, et ça c'est dans sourate Qaf, le chef il dit, وقال المفسرون المنادي هو إسرافيل عليه السلام ينفخ في الصور فينادي أيتها العظام البالية والأوصال المتقطعة واللحوم المتمزقة والشعور المتفرقة إن الله يأمركن أن تجتمعن لفصل القضاء وقيل ينفخ إسرافيل وينادي جبريل والمكان القريب صخرة بيت المقدس. Donc, le chef il dit que les gens, les ulama de tafsir ont expliqué que la personne qui, l'ange qui appelle, c'est Israfil. Et il va souffler dans la trompe et il va crier, il va appeler, il va dire, oh vous les os, et en s'adressant aux os, hein, qui sont dans la terre, oh vous les os attachés et les morceaux qui sont coupés, hein, les pièces, les membres qui sont coupés, et la chair qui est déchirée, et les cheveux qui sont éparpillés, Allah vous ordonne de vous rassembler pour qu'il établisse le jugement, hein, le décret, pour qu'il juge entre les hommes. Donc, tout ces parties, c'est tout ce qui est dans la terre, de créatures, d'êtres humains qui sont décomposés ou qui sont en poussière et tout, ben, Allah les ordonne de se recomposer, de se refaire, et puis, donc, ils vont revenir à la vie, comme ils étaient dans cette vie, et puis là, ils vont sortir de terre pour se faire juger. Et, certains ont dit que c'est Israfil qui souffle et que c'est Jibril qui appelle. Et l'endroit près, l'endroit proche, c'est le rocher de Bayt al-Maqdis. Par la suite, le cheikh il dit, وقال جماعة من المفسرين, un groupe parmi les savants de tafsir ont dit, بين النفختين 40 عاما, وقال بعض العلماء اتفقت الروايات على ذلك. Donc, entre les deux coups de trompe, entre les deux coups de trompe, il y a 40 ans. Et certains parmi les ulama ont dit, toutes les narrations se rejoignent et sont toutes en accord sur ce point-là, yani, que c'est 40 ans qui se passent entre les deux coups de clairon. Voici Muslim, an Abi Huraira, radiallahu anhu, marfou'an, ma bayna nafkhatayn 40. Hein, c'est un hadith authentique apporté par l'imam muslim, selon Abu Huraira, radiallahu anhu, qui dit, entre les deux coups de clairon, il y a 40. Après, il dit, قالوا يا أبا هريرة 40 يوما قال أبيت. قال 40 شهرا قال أبيت. قالوا 40 عاما قال أبيت. الحديث. Donc, ils ont demandé à Abu Huraira, « Ya Abu Huraira, est-ce que c'est 40 jours ?» Il a dit « Je refuse. » Il a dit « Est-ce que c'est 40 mois ?» Il a dit « Je refuse. » Il a dit « Est-ce que c'est 40 ans ?» Il a dit « Je refuse. » Al-Hadith. Donc, après le cheikh dit « Le qawl Abu Huraira, radiallahu anhu, abay, fihi thalath ta'wilat. Awaluha, imtana'tu min bayani thalika lakum. Wa qila, abaytu, as'alu al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam an thalik. وقيل نسيت وقيل ان سر ذلك لا يعلمه الا الله لانه من اسرار الربوبيه. Donc il dit le cheikh que la parole de Abu Huraira, je refuse, elle a été expliquée par trois différentes interprétations. La première, c'est que ça signifie je refuse de vous expliquer cela. Le deuxième, c'est que j'ai refusé de demander cela au prophète sallallahu alayhi wa sallam. La troisième, c'est j'ai oublié. Et la quatrième, il y en a qui ont dit que ça voulait dire, c'est un secret, et que personne d'autre que Allah subhanahu wa ta'ala ne connaît. Et ça fait partie des secrets de la souveraineté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bien, et par la suite, le chef, il mentionne un long hadith, hein. Hadith est très long, il fait plus qu'une page. Puis c'est avec ça qu'on va terminer notre date d'aujourd'hui. Et, le chef, il dit, voici un hadith d'Abi Huraira, radiallahu anhu, الطويل الذي رواه ابن جرير والطبراني وأبو يعلى في مسنده والبيهقي في البعث وأبي موسى المديني وغيرهم قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لما فرغ من خلق السماوات والأرض خلق الصور فأعطاه إسرافيل. نعم. Donc le chef il dit que je vais l'expliquer par partie parce que le hadith est long. Donc à mesure que je l'explique, je vais lire à mesure, au fur et à mesure je vais l'expliquer. Le hadith d'Abi Huraira qui est très long, qui est rapporté par Ibn Jarir al-Tabarani et aussi par Abu Ya'la dans son Musnad, al-Bayhaqi dans al-Ba'th et Abu Musa al-Madini et beaucoup d'autres. Et le chef il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a terminé d'avoir créé les cieux et la terre, il a créé le clairon. Et il a donné à Israfil. Il a donné à Israfil. Et Israfil, yani le chef il dit ça, le hadith dit, فَهُوَ وَاضِعُهُ عَلَى فِيهِ شَاخِصًا بِبَصَرِهِ إِلَى الْعَرْشِ ينظر متى يؤمر. قلت يا رسول الله ما السور؟ قال القرن. وقلت أي شيء هو؟ قال هو عظيم، إن عظم دائرة فيه كعرض السماء والأرض، فينفق فيه ثلاث نفخات. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que Israfil, lorsque Allah lui a donné ce clairon, il l'a mis près de sa bouche comme ça, sur sa bouche. Hein? Et il regarde le trône avec son regard en attendant l'ordre depuis que Allah l'a créé. Il est comme ça, il attend seulement un seul ordre, un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il souffre. Il ne fait rien d'autre. Subhanallah. Donc, il y a un subhanallah. C'est comme ça les anges. Hein? Oui. Pour obéir. Comme ça Allah subhanahu wa ta'ala dit, عليهم ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Après tous les anges, il dit que sur eux il y aura des anges durs ils ne désobéissent à Allah en rien et ils font tout ce qu'on leur ordonne. C'est-à-dire la création, les anges comment ils sont créés, c'est qu'ils ne peuvent pas désobéir, ils sont créés sans, ils n'ont pas de volonté à eux pour faire ce qu'ils veulent. Il peut uniquement obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, lui, cet ange-là, il est créé comme ça, et il attend seulement l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala pour souffler dans ce clairon. Et puis, par la suite, le hadith, il dit, je dis, c'est-à-dire la personne qui mentionne le hadith, elle dit, je dis, ô messager d'Allah, qu'est-ce que As-Sur? Qu'est-ce que ça signifie? As-Sur, il dit Al-Qarn. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Al-Qarn, c'est-à-dire la corne. Et il dit, et qu'est-ce que c'est? Il a dit, c'est une créature très immense. Et la grandeur d'un de ses cercles est comparable au ciel et à la terre. De la circonférence de cette trompe là, de ce clairon, et la grandeur du ciel et de la terre. Donc on comprend maintenant pourquoi ça va être si effrayant quand on entend ce son. La grandeur de l'ange, subhanallah. Donc c'est incroyable. Et là après qu'est-ce qu'il dit? Il dit فَيَنْفُخُ فِيهِ ثَلَاثُ نَفَخَاتٍ الأولى نفخة الفزع، الثانية نفخة الصعق، والثالثة نفخة القيام لرب العالمين. Donc il dit que il sera ordonné de souffler trois coups. Le premier coup c'est le coup de l'effroi, le deuxième le coup du foudroiement, le troisième le coup du wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Le troisième c'est le coup de la résurrection où les hommes seront debout devant Allah subhanahu wa ta'ala. Le chef dit « فَيَأْمُرُ اللَّهُ إِسْرَافِيلَ بِالنَّفْخَةِ الْأُولَى » Allah subhanahu wa ta'ala va ordonner à Israfil de souffler le premier coup. « فَيَقُولُ أُنْفُخِ الْفَزَرِ » Il va dire « souffle pour le coup de l'effroiement. » Et là, il va souffler. « فَيَنْفُخُ فَيَبْزَعُ » Donc tous les habitants des cieux et de la terre seront effrayés par ce coup-là, terrorisés. Illa masha'Allah, excepté ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu. Faya'muruhu, faya'mudduhu, faya'mudduha, wa yutiluha, wa la yuftir. Donc ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala va lui ordonner et il va prolonger ce coup de clairon, il va être très long, il va le prolonger et il ne va pas s'arrêter. Il va le faire très très long. Et c'est ce qu'Allah a dit, parce qu'il dit وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة واحدة ما لها من فواق. Et il dit, ils n'attendent qu'un seul cri, et ce cri-là, il n'a pas d'interruption, il ne va pas se répéter, c'est un seul coup qui va se prolonger longtemps. Et après, le cheikh dit, فيسير الله الجبال فتمر مر السحاب فتكون سرابا. الله سبحانه وتعالى فأفانسي للمونتاين أفانسي كم دميراج فتكون سرابا الفندفنير كم دميراج وترجف الأرض بأهلها رجا. La terre va commencer à trembler avec les habitants qui sont dessus. فتكون كالسفينة الموقرة في البحر تضربها الأمواج. Donc la terre va devenir comme un bateau qui se fait bousculer par les vagues. OK? وكالقناديل المعلقة بالعرش ترجف الأرواح. Donc ça, je ne vais pas traduire ça parce que je suis pas certain de ce que ça signifie. Et puis après, il dit, وهي التي يقول الله سبحانه وتعالى يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة. Et le verset, il dit, c'est comme Allah سبحانه وتعالى dit dans le verset surat An-Nazi'at, lorsqu'il dit, le jour où la terre tremblera au son du premier coup de clairon, et que ce coup-là sera suivi par un deuxième. فتميل الأرض بالناح على ظهرها فتذهل المرابيع وتضع الحوامل وتشيب الولدان وتطير الشياطين هاربة من الفزع. الشيخ الحديث يقول يعني ك la terre va commencer à pencher, à trembler et tout, et que les femmes qui allaitent vont oublier leur bébé, yani. Et les femmes qui étaient enceintes vont accoucher, yani, sur le cou, c'est-à-dire elles vont perdre qu'est-ce qu'elles ont dans leur ventre, va sortir, et les enfants vont devenir avec les cheveux blancs, yani, à cause de la crainte, la peur. Et les chayatines, les diables vont s'envoler, ils vont s'enfuir par la crainte, par l'effroi. حتى تأتي الأقطار فتتلقاها الملائكة فتضرب وجوهها. Donc les anges vont les accrocher, ils vont les attraper, puis ils vont frapper leur visage. فَتَرْجِعُوا وَيُوَالِ النَّاسِ مُدْبِرِينَ يُنَادِي بَعْضُهُمْ بَعْضًا وَهُوَ الَّذِي يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى يَوْمَ التَّنَادِ يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ. C'est dans surat Ghafir. Yani les anges vont les accrocher, ils vont les frapper et ils vont revenir, les chayatines. Puis les gens vont se retourner, ils vont s'appeler les uns les autres. Et ça c'est expliqué dans un verset dans surat Ghafir. Par la suite, il dit « فَبَيْنَمَا هُمْ عَلَى ذَلِكَ إِذْ تَصَعَدَتِ الْأَرْضِ فَانْصَعَدَتْ مِنْ قَطْرٍ إِلَى قَطْرٍ فَرَأَوْا أَمْرًا عَظِيمًا ثُمَّ نَظَرُوا إِلَى السَّمَاءِ فهي كالمهل فإذا هي كالمهل. يعني la terre va se soulever, et les gens vont regarder, vont voir une grande chose, et lorsqu'ils vont regarder vers le ciel, ils vont voir que le ciel est comme du métal en fusion et qu'il commence à se déchirer. ثم انشقت فانتفرت نجومها وانكسرت شمسها وقمرها. Et voilà que le ciel commence à se déchirer et que les anges, وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته, et que les anges commencent à se disperser et que la lune et le soleil et la lune commencent à se وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأموات يومئذ لا يعلمون شيئا من ذلك بشيء من ذلك قلت يا رسول الله من استثنى الله تعالى في قوله إلا من شاء الله قال أولئك الشهداء وإنما يتصل الفزع إلى الأحياء وهم أحياء عند ربهم يرزقون وقاهم الله فزع ذلك اليوم وآمنهم منه وهو عذاب يبعثه الله على شرار خلقه donc par la suite le prophète Allah sallam va dire que les vivants les morts ce jour-là ne seront rien de cela et quelqu'un la personne qui rapporte le hadith il dit ô messager d'Allah qui Allah a accepté de qui Allah a fait exception ce jour-là, yani, en disant « Illa mancha Allah » en disant « Excepté ceux qu'Allah a voulu, c'est qui ?» Et le prophète a dit « Ce sont les martyrs. » Et il dit que l'effroi sera seulement pour les vivants. Et les martyrs, eux, sont vivants, mais sont auprès de leur Seigneur et ils continuent à se faire donner leur risque. Hein. Et Allah les a protégés de cette effroi, de cette terreur, ce jour-là, de la terreur du jugement dernier. Hein? Donc, il les a protégés. Et c'est un châtiment, ce châtiment-là, c'est un châtiment qu'Allah va seulement faire subir au pire des créateurs. Au pire des créateurs. يَقُولُ اللَّهُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد donc il mentionne un verset qui est au début de sourate al-Hajj ô vous les croyants craignez votre Seigneur Le tremblement de l'heure est une chose qui est très grande. Le jour où ils la verront, le jour où ils verront l'heure du jugement dernier, eh bien la femme qui allait, elle va laisser ce qu'elle allait, le bébé qu'elle allait, elle va le laisser. Comme si elle l'a oublié. Et la femme qui était enceinte, elle va perdre ce qu'elle portait en elle. Et tu vois les hommes comme s'ils sont sous, mais ils ne sont pas sous. C'est comme s'ils sont ivres. Et quand ils ne sont pas ivres, ils n'ont pas bu d'alcool, mais le tremblement les fait marcher comme tomber à gauche, à droite, comme ça. Mais c'est que le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala فَيَمْكُثُونَ فِي ذَلِكَ مَا شَاءَ اللَّهُ Et ils vont demeurer de cette façon, autant que Allah subhanahu wa ta'ala l'a voulu. Et ça, c'est la fin de la citation du hadith. Et le chef il dit « هذا ونسأل الله عز وجل أن يهدينا صراطه المستقيم ويجعلنا من الذين لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. » Et on demande à Allah qu'il nous guide vers son droit chemin et qu'il nous fasse parmi ceux qui ne seront pas tristes lors de cet effroi, ce grand effroi, et que les anges les rencontrent ce jour-là. Donc, ça c'est la fin de cette partie. Et là, on arrive à la deuxième partie qui est à l'image de l'homme l'Akhir. Donc le chef il dit Thaniyan, la deuxième partie de ce chapitre au sujet de à l'image de l'homme l'Akhir, c'est que là il commence à expliquer, il rentre plus dans le sujet de parce que là on a parlé des signes du jugement dernier. Et là on vient de terminer le dernier des signes du jugement dernier. Et là on rentre maintenant après la mort qu'est-ce qui se passe. D'accord? Donc, le chef il commence à dire « وَسُمِّيَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ لِتَأَخُرِهِ عَنِ الدُّنْيَا وَقَدْ دَلَّ عَلَيْهِ الْعَقْلُ وَالْفِطْرَةِ كما صرحت به جميع الكتب السماوية ونادى به الأنبياء والمرسلون وقد أخبر الله عنه في كتابه العزيز وأقام الدليل عليه ورد على المنكرين له في غالب سور القرآن. Donc, le cheikh il dit que Allah SWT a appelé ce jour-là, le jour dernier. Pourquoi? Parce qu'il vient à la fin de cette dunya. Et il a été prouvé, la vie de ce jour-là est prouvée par la raison et également par la fitra. C'est-à-dire, quelque chose qui est clair et allé d'une façon logique, raisonnable et en même temps rationnelle et en même temps selon la fitra de chaque être humain. Si on lui explique ça, il ne peut pas le nier parce qu'il le ressent dans son cœur. D'accord ? كما صرحت به جميع الكتب السماوية. Tous les livres qui ont été révélés par Allah سبحانه وتعالى ont mentionné ça. D'accord ? Et tous les messagers, les prophètes, ont appelé les hommes à croire à ça. Et Allah سبحانه وتعالى en a parlé dans son livre, le Coran. Et il a établi la preuve de ça. Et il a réfuté les gens qui nient l'avenir de ce jour-là dans le Coran, dans plusieurs versets. Hein? Et puis, il y a une chose aussi, c'est que là, maintenant, on est au printemps, d'accord? On commence dans la saison du printemps. Donc, rappelez-vous des versets qui parlent de la vie du jugement dernier. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne beaucoup d'exemples pour prouver aux mouchriquins et aux kuffars que Allah est capable de faire revivre les morts après qu'ils soient morts, hein, de les faire ressusciter. Et il donne souvent des exemples en comparant ça avec la nature, hein. Il montre par exemple comment la terre est sèche et puis quand il y a la pluie, elle revient par la suite. Il dit ça c'est facile pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il est capable également de faire revivre les morts même s'ils sont en cendre ou en poussière. Et puis là tu vois par exemple maintenant il n'y a plus de feuilles dans les arbres sont morts, et pourtant là le printemps arrive et là tu les vois renaître, tu les vois revivre, tu vois les feuilles commencer à repousser comme si qu'il naisse encore une fois. Donc ça c'est un signe yani, que Allah il nous donne pour nous faire comprendre qu'il est capable de faire ça. Et il le fait à chaque année. Hein? Donc alhamdoulilah, yani, ça fait partie des exemples rationnels qu'Allah a donné aux mouchriquins pour leur faire comprendre que c'est pas impossible de croire à la notion qu'il y ait une résurrection, et qu'il y ait un jugement qui nous vit après la mort. أصيب الشيخ الزي والإقرار بالرب عام في بني آدم نعم وهو فطري كلهم يقر بالرب إلا من عاند كفرعون وخلاف الإيمان باليوم الآخر بخلاف الإيمان باليوم الآخر فإن وعليكم السلام ورحمة الله فإن منكريه كثيرون أوك الشيخ الزي الإقرار تفرمي la foi en le Seigneur, c'est-à-dire le Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala, ben, la plupart de l'humanité, en général, ils affirment ça, et ils croient en ça, hein, que Allah existe. Et c'est une chose qui fait partie de la fitra, dans la nature humaine, de reconnaître l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la plupart des hommes, ils croient en ça, comme on a expliqué ça lorsqu'on a expliqué, l'iman de Tawhid al-Rububiyya, la foi en l'unicité d'Allah dans sa souveraineté. On a expliqué que Tawhid al-Rububiyya, tous les mouchriquins en général, ils l'affirmaient, ils le reconnaissaient. C'est que il y a un créateur. Hein? Et hein? C'est quoi le verset? Le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il trouve ça, il montre ça dans le Coran. Le verset qui montre que les mouchriquins croyaient en l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. نعم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله et si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre ils diront Allah ça veut dire qu'ils savaient que Allah existe sauf qu'ils croyaient que c'est permis avec ça d'associer d'autres avec Allah d'adorer de prendre des intermédiaires avec Allah alors pour approcher Allah ou bien d'autres façons donc les mouchriquins même s'ils adoraient les idoles Lat, Al-Uzza et les autres ils savaient qu'il y a un Dieu qui a créé tout l'univers et ils savaient que c'est lui qui contrôle tout. Sauf qu'ils voulaient se rapprocher à Allah par ces intermédiaires-là. De la même façon que les chrétiens aujourd'hui, ils disent, ouais, on croit un Dieu qui a créé tout l'univers, ouais. Sauf qu'on peut passer par des saints ou par des prophètes, ou par des hommes pieux, pour demander à l'intercession pour se rapprocher à Dieu. Et ils ne croient pas que ça, c'est de l'idolâtrie de personne. Non, c'est vrai. Donc tout ça, c'est des exemples de shirk. Alors, attention, je vais faire. Et dans le cimetière de Côte d'Ivoire, qui est la mausolée de Marguerite, je ne sais pas qui, là. Non, pas, bourgeois ou l'autre, là. Diouville. Donc, ils vont là-bas, ils demandent les faveurs. Et puis, ma grand-mère, même ma grand-mère, elle allait à chaque année à un pèlerinage, à Saint-Anne de je ne sais pas où, là. Mais il y a une sainte, soi-disant une sainte, qui est enterrée là-bas. Ils vont là-bas demander ses faveurs. Je ne sais pas le nom. En tout cas, mais dans les pays musulmans, on sait qu'il y a des gens qui ont fait la même chose que ça. Hein? Qui vont aller voir les saints et les saints et tout. Donc ça, c'est des exemples. Et donc, c'est pour, le cheikh, il nous dit ça juste pour nous faire voir que ça, à l'imam de Rab, même si on croit qu'il y a un Seigneur, qu'il y a un Créateur et tout, ça ne veut pas dire qu'on est mouahid. Il faut unifier Allah dans notre ibad, dans notre adoration, pour être un vrai mouahid. C'est-à-dire être quelqu'un qui unifie Allah, qui est vraiment appliqué dans le tawhid. Et les trois aspects qu'on a étudiés, tawhid al-rububiyya, tawhid al-uluhiyya, et tawhid al-asma al-sifat, ces trois tawhid-là, ils doivent être appliqués pour qu'une personne soit réellement un mouahid. Donc, le chef dit ça, c'est accepté par la plupart des hommes, comme, et peu d'entre les hommes l'ont renié, comme par exemple Pharaon. Pharaon était un des rares parmi les êtres humains qui ont ouvertement renié l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et malgré ça, au fond de lui-même, il croyait en Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, il savait que Allah existait. Et il y a un verset dans le Coran qui dit ça. Si y a quelqu'un qui s'en souvient, c'est ça. فَذِيَ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًا. Ils ont refusé de l'admettre. وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ. Mais leur cœur en était convaincu. Mais ils ont fait ظُلْمًا وَعُلُوًا. Par résistance et par fierté. Donc, c'est un exemple comment Pharaon a refusé de l'admettre, et les athées aussi, les gens qui refusent d'admettre le Créateur, parmi les êtres humains, mais ils sont une petite minorité. La plupart des êtres humains sur la Terre reconnaissent l'existence d'un Créateur, ou d'un être suprême, ou d'une force, comme ils appellent une force. Mais on sait que, c'est comme on a expliqué plusieurs fois, c'est pas suffisant pour quelqu'un qui dit « je reconnais qu'il y a un Dieu » pour qu'il soit croyant. Parce que la majorité des êtres humains qui disent qu'il y a un Dieu, ils associent avec Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah dit ça dans la sourate Yusuf. Sourate Yusuf, je pense que c'est le verset 108, si je ne me trompe pas. Après, le chef il dit donc, ça c'est au sujet de la foi en Allah Subhanahu wa Ta'ala. Par contre, au sujet de la foi en Al-Yawm Al-Akhir, ben, il y a beaucoup d'êtres humains qui l'ont renié celui-là. Comme la foi en Allah. Il dit, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lama kana khatim al-anbiya, wa kana qad bu'isa, wa huwa wassa'a kahatayn, yani al-sababa wal-wusta, bayana tafsil al-akhira, bayana la yududu fi shay'in min kutub al-anbiya. Donc, le cheikh il dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire qu'il était le des prophètes, mais le dernier parmi tous les messagers des prophètes d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'il a été envoyé à la fin des temps, et qu'il a donné l'exemple en montrant ses deux doigts, et on avait expliqué que l'exemple c'est par rapport l'index et le majeur, on voit la petite distance qu'il y a entre les deux, et ben c'est l'exemple. Qu'est-ce qui manque entre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et la fin des temps. C'est-à-dire, une petite exemple par rapport à une petite écart par rapport à tout ce qui a passé déjà de l'humanité. C'est-à-dire, on est à la fin des temps. Et étant donné que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu vers la fin des temps, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné plus de clarifications au sujet de la fin des temps, plus que tous les autres livres des autres prophètes qui étaient là auparavant, parce que c'est lui le dernier. Et que c'est dans son temps, c'est-à-dire après lui, que va venir la fin du temps. Il n'y aura pas d'autres prophètes après lui. Donc, c'était plus important de clarifier qu'est-ce qui va se passer vers la fin des temps pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, Allah en a parlé plus que tous les autres par son dernier prophète. Et le chef dit, وَقَدْ تَنَوَّعَتْ أَدِلَّةُ الْبَعْثِ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ. Hein, il dit que les preuves de la résurrection se sont multipliées et sont de toutes sortes de différentes manières dans le Coran al-Karim. Le chef dit فَسَارَةً يُخْبِرُ عَنَّنْ أَمَاتَهُمْ ثُمَّ أَحْيَاهُمْ فِي الدُّنْيَا كَمَا أَخْبَرَ عَنْ قَوْمِ مُوسَى الَّذِينَ قَالُوا أَرِنَا اللَّهُ جَهْرَةً قَالَ فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم. Donc des fois Allah SWT il en a fait mention en mentionnant les exemples des gens qui ont été faits, qui sont morts dans cette dunya puis qu'Allah SWT a fait revivre dans cette vie. Et il donne l'exemple lorsque Allah SWT a parlé du peuple de Moïse, Moussa, et il a dit, ceux par exemple qui ont demandé, montre-nous Allah. Ils ont demandé à Moussa, montre-nous Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, à ce moment-là, la foudre les a pris. La foudre les a pris, et ils sont tous tombés, morts. Et par la suite, Allah les a fait revivre. Hein? Allah les a fait revivre dans cette vie. Et il dit dans un autre exemple, il dit وعن الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حضر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. Les gens qui sont sortis de leur maison, c'est dans un autre verset dans Surat al-Baqara, qui sont sortis de leur maison alors qu'ils étaient parmi eux, et la mort les a atteints, et ils sont morts, puis Allah subhanahu wa ta'ala les a ressuscités. وعن إبراهيم إذ قال ربي أرني كيف تحيي الموتى. Exemple de Ibrahim lorsqu'il a demandé à Allah سبحانه وتعالى montre-moi comment tu fais revivre les morts. القصة il raconte l'histoire des quatre oiseaux. Allah سبحانه وتعالى a dit prends quatre oiseaux, couplés et tout, et puis met une partie de ces oiseaux-là sur quatre montagnes. Et puis, appelle-les, elles vont te revenir. Donc, c'est un exemple que Allah a montré, par lequel Allah a montré à Ibrahim comment il est capable de faire revivre ce qui est mort. Et il dit, كما أخبر عن عيسى, عن المسيح, أنه كان يحيي الموتى بإذن الله. Il a dit à propos de Isa, alayhi salam, qu'il était capable de faire revivre les morts par la permission d'Allah. Ça, c'est un des miracles qu'Allah a donné à Moussa, à Isa, pardon, ici. وعن أصحاب الكهف الذين بعثوا بعد 300 سنة و 9 سنين 309 ans. Donc, les gens de la caverne, ça c'est dans Surat al-Kahf. Allah subhanahu wa ta'ala les a fait mourir, puis ils sont revenus à la vie. Ils ont dormi pendant 300 ans. Dans une caverne, puis par la suite, Allah les a ressuscités, puis là, ils sont sortis de la caverne. Et Allah a parlé de ça dans ce verset-là. Et après, il dit, وَتَارَةً يَسْتَدِلُّ عَلَى ذَلِكَ بِالنَّشْأَةِ الْأُولَى فَإِنَّ الْإِعَادَ أَهْوَنُ مِنَ الْإِبْتِدَاءِ كَمَا فِي قَوْلِهِ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ الْآيَةِ. Donc, souvent Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne par exemple le fait que Allah subhanahu wa ta'ala a créé les choses une première fois, et donc pour lui de le refaire une deuxième fois c'est encore plus facile que de l'avoir fait la première fois à partir de rien. Hein? Donc il dit dans un des versets dans Sourate Al-Hajj, si vous avez un doute au sujet de la résurrection, alors sachez qu'on vous a créé de la terre et la suite du verset. Le chef il n'a pas mentionné, mais c'est juste pour faire le point. وقوله قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. Lorsque les mushrikins ont demandé comment Allah subhanahu wa ta'ala il va faire pour faire revivre les êtres humains après qu'ils soient morts, il dit celui qui les a fait vivre la première fois, il est capable de les faire revivre encore une fois. Et encore une fois, فسيقولون dans un même verset, فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة. Ils vont dire qui va nous faire revenir, et dit celui qui va nous faire revenir, c'est celui qui vous a créé la première fois. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. C'est dans Sourate Ar-Rum. C'est lui qui a créé la première fois, et c'est lui qui refait la création, et c'est plus facile encore pour lui de le refaire. Ahwan, encore moins, mais encore plus facile. وتارة يستدل على ذلك بخلق السماوات والأرض فإن خلقها أعظم من إعادة الإنسان كما في قوله أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى. Des fois, il utilise comme preuve le fait qu'Allah a créé le ciel et la terre. Et il utilise ça comme preuve dans le fait, en disant, s'il a été capable de créer le ciel et la terre et que la création du ciel et la terre est beaucoup plus grande que la création des êtres humains, alors c'est encore plus facile pour lui de refaire l'être humain. C'est une chose spécifique par rapport à la création des cieux et de la terre. Et il cite un verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, n'ont-ils pas vu que Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui a créé les cieux et la terre, et qui n'a pas été fatigué de les avoir créés, n'est pas capable de faire revivre le monde, c'est encore plus facile pour lui. Il a créé les cieux et la terre, tout l'univers, avec son immensité, et il n'a même pas été épuisé ou fatigué d'avoir créé ça. Donc, il est encore plus capable de refaire l'être humain après sa mort. وتارة يستدل عليه بتنزيه الناس عن البعث كما قال تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. Des fois, il mentionne des exemples dans le but de purifier Allah subhanahu wa ta'ala de l'abath, d'avoir fait les choses sans raison. D'accord? Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala dit, croyez-vous qu'on vous a créé pour aucun but précis, elle n'est sans aucune sagesse, sans aucune raison, et qu'on vous a juste mis là comme ça sur la terre, et que vous n'allez pas revenir à nous. Donc, ça c'est un autre exemple dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné ça, puis il mentionne un autre verset. Est-ce que l'homme pense qu'on va le laisser sans aucune obligation, sans aucune ordre, sans aucune chose à respecter? Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc ça veut dire, Allah subhanahu wa ta'ala, il ne nous a pas créé ici pour rien, il nous a créé pour une raison, pour une sagesse. Et il dit, alayhi sabalika bi qadirun an yuhyi al-mawta, n'est-ce pas que celui qui a fait tout ça, qui a créé l'homme, tout ça, il est capable de faire vivre les morts. Ça c'est dans Sourate Al-Qiyamah. فالناس في هذه الدنيا منهم المحسن ومنهم المسيء وقد يموتون ولا ينال أحدهم جزءا أو جزاء عمله فلا بد من دار أخرى يقام فيها العدل بين الناس وينال كل منهم جزاء عمله. C'est un point très très important en fait. C'est un bon argument. On discute avec les kuffars des fois pour leur montrer l'importance de la foi en la vie après la mort. on peut leur mentionner cet exemple-là que le cheikh vient de mentionner. C'est que le cheikh il dit qu'il y a beaucoup d'âmes qui ont vécu sur cette terre. Il y en a parmi eux qui sont bons, il y en a d'autres qui sont mauvais. Et il y en a qui meurent et qui n'ont jamais reçu une récompense pour les actions qu'ils ont faites, d'accord? Alors, par exemple, tu vas voir une personne qui a vécu, qui a fait le mal toute sa vie, et qui a vécu dans le luxe et la belle vie, hein, et pourtant qui était injuste, qui faisait le mal, tandis qu'il y a une autre personne qui était honnête, et qui était bonne, qui ont fait le bien toute leur vie, tout le temps de leur vie, qui ont vécu dans la misère, la pauvreté, la maladie, toutes sortes de difficultés. Donc, il faut qu'il y ait une justice, hein. S'il n'y a pas eu une justice dans cette vie, il faut qu'il y ait quand même la possibilité qu'il y ait une justice, hein, dans une vie après. Donc, alhamdoulilah, ça c'est un argument très, très fort, il faut convaincre une personne de la vie après la mort. Et, toute personne est capable de même de le ressentir ça en lui-même. Et c'est comme si, au fond du cœur de chaque homme, il y a quelque chose qui lui fait comprendre que cette chose-là existe. Yani, qu'il doit y avoir cette justice ultime. Imaginez par exemple, subhanallah, un homme qui a été accusé dans cette vie pour un crime qu'il n'a pas commis. Et qui est resté en prison et qui est mort, il est resté 25 ans en prison et qui est mort en prison. Alors qu'il n'avait jamais fait le crime. Et que l'autre personne qui avait réellement fait le crime, lui a joui de toutes les douceurs de cette vie, hein, et il a été en liberté, et il n'a jamais été accusé de quoi que ce soit. Donc, est-ce que vous croyez que dans ça, il y a une justice, hein? Donc, c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait une justice ultime qui va venir par la suite, hein, dans l'Akhira. Et c'est la justice du jugement dernier. Et lorsque le mu'min, hein, l'être humain, le saint, il croit en ça, eh bien, ça le libère de beaucoup de problèmes, beaucoup de questionnements, beaucoup de confusion au sujet de la dunya. Parce que les kuffars, par exemple, lorsqu'ils pensent à cette dunya, ils pensent uniquement à qu'est-ce qui se passe ici, et c'est le seul but de leur existence. C'est-à-dire, après la mort, il n'y a plus rien. D'accord? Donc, toutes ces questions de justice-là qui se passent dans la terre, pour eux, c'est impossible de faire un équilibre et une balance. Tout ça, pour eux, c'est absurde. Hein, il n'y a pas de justice du tout. Et ils savent que le système qu'ils ont établi a plein de failles, a plein de fautes, a plein de choses qui ne sont pas capables d'arrêter ou capter. Alors, ils tombent souvent dans le désespoir à cause de ces choses-là. Mais al-mu'min, le musulman, le croyant, alhamdulillah, il est sauvé de ça, à cause de sa foi en l'yawm al-akhir. Donc le cheikh il dit par la suite, il dit « وَالْإِيمَانْ بِالْيَوْمِ الْآخِرْ أَحَدُ أَرْكَانِ الْإِيمَانِ كَمَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ الْقُرْآنِ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْآيَاتِ » Et comme on a expliqué déjà, que là on est en train d'expliquer le cinquième pilier de la foi. Et c'est ça que le cheikh il dit. C'est un des piliers de la foi. Le premier c'est « الْإِيمَانْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ » Donc ça c'est le cinquième. Le premier c'est, donc on a dit ça déjà, et donc le chef il dit qu'il y a beaucoup de versets dans le Coran qui prouvent que c'est obligatoire de croire en ça. Donc si un musulman par exemple refuse de croire en ce pilier là, automatiquement il est en dehors de l'islam, il n'est plus croyant, il sort de l'islam. Donc le chef il dit « حيث يذكر الإيمان به تارة مع الإيمان بالأركان الستة » التي هي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر كما في حديث عمر رضي الله عنه في سؤالات جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم وتارة يذكر الإيمان يذكر به مع الإيمان بالله كما قال تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ما له رياء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. Donc le cheikh il dit que parfois Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne la foi en le jour dernier en le mentionnant avec les six autres piliers de la foi, hein, comme on vient de mentionner, et parfois il le mentionne seulement en mentionnant, l'associant avec la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, comme dans le verset dans la sourate Tawba, il dit « et combattez ceux qui ne croient pas en Allah et ne croient pas au jour dernier ». Et dans un autre verset, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit « ô les croyants, ya yalazina amanu, n'annulez pas vos aumônes, l'argent que vous donnez en charité, bil man wal aza, lorsque quelqu'un donne à quelqu'un de l'argent en charité, et par la suite il va le voir puis lui dit, je t'ai donné, je t'ai donné de l'argent, c'est comme si pour lui rappeler que qu'il a fait quelque chose de bien. Quand tu fais ça à quelqu'un, tu lui donnes tu lui fais une aumône et tu lui donnes une charité pour Allah subhanahu wa ta'ala, puis par la suite tu lui rappelles ça une autre fois pour essayer de lui montrer que t'as une faveur sur lui, ça annule ta sadaqa, ça annule le bien de ta sadaqa. Ou l'aza, c'est fait de lui nuire, en lui mentionnant ça, des choses comme ça. Ça, c'est quelque chose qui vient annuler la sadaqa de quelqu'un. Et donc, et aussi ceux qui donnent une sadaqa juste parce qu'ils veulent que les gens le regardent. Et qui ne croient pas en Allah et au jour dernier. Donc Allah a associé la foi en lui avec la foi en jour dernier. Il y a un autre verset aussi, lorsqu'il dit par exemple, ya ayyuhallazina amanu, ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa ulil amri minkum, fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa ar-rasul, in kuntum tu'minuna billahi wal yawm al-akhir. Et bien fait, on a mentionné combien de fois encore dans l'autre d'art qu'on donne. Allah dit, oh les croyants, obéissez à Allah, obéissez au messager, et obéissez au messager, et obéissez à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. Et si vous avez une divergence en quoi que ce soit, alors ramenez-le à Allah et à son messager. Si vous croyez en Allah et au jour dernier. Donc, souvent, Allah associe la foi en lui avec la foi au jour dernier. Après, le chef dit, وَقَدْ سَمَّ اللَّهُ هَذَا الْيَوْمِ بِعِدَّةِ أَسْمَاءِ تَنْوِيهًا بِشَأْنِهِ وَتَنْبِيهًا لِلْعِبَادِ لِيَخَافُوا مِنْهُ. Allah subhanahu wa ta'ala a parlé du jugement dernier et il l'a mentionné, il l'a appelé par différents noms, il l'a appelé par des noms différents, dans le but de prendre l'attention des gens à son sujet et dans le but aussi de faire craindre ses serviteurs à son sujet, de les faire craindre. فسماه اليوم الآخر لأنه بعد الدنيا وليس بعده يوم غيره. يعني الله لا أعطيه اليوم الآخر من جود عنه فسكي أبخي سجولا ينا فادو من الدنيا جور سبحان الله. وسماه يوم القيامة لا أعطيه قال ما من جود لا ريزوركسيون من جود لزم سيغو دبو لقيام الناس فيه لرب لربهم. Ils vont se tenir debout devant leur Créateur. وَسَمَّاهُ الْوَاقِعَةُ وَالْحَاقَّةُ وَالْقَارِعَةُ وَالرَّاجِفَةُ وَالصَّاخَّةُ وَالْآزِفَةُ وَالْفَزَعِ الْأَكْبَرُ وَيَوْمُ الْحِسَابِ وَيَوْمُ الدِّينِ وَالْوَعْدِ الْحَقِّ. Donc Allah subhanahu wa ta'ala l'a appelé par tous ces noms-là. Et je pense même que le chef il va les mentionner un par un, en expliquant chacun d'entre eux. Non. Il a mentionné 22 différents noms pour Al-Yawm al-Akhir. Et puis il va expliquer chacun d'entre eux. كلها أسماء تدل على عظم شأنه. Ce sont tous des noms qui montrent la grandeur de ce jour-là. وشدة هوله. Et la dureté de la peur qui va venir de ce jour-là. وما يلقى وما يلقاه الناس فيه من الشدائد والأهوال. Et ce que les gens vont rencontrer ce jour-là de difficultés, وهو يوم تشخص فيه الأبصار وتطير القلوب عن أماكنها حتى تبلغ الحناجر. وعليكم السلام ورحمة الله يعني تشخصوا مثلا تشخصوا الأبصار تعرف عليك لي الرجاء تشخصوا فيه القلوب والأبصار يعني ce jour-là les cœurs vont monter jusque dans la gorge. Les gens ont l'impression qu'ils ont le cœur dans la gorge. Ça, c'est des exemples. C'est juste tout pour nous faire comprendre que c'est un jour où les hommes seront tellement effrayés qu'ils n'auront rien d'autre à penser même que le fait qu'ils ont fait dans cette boule. Subhanallah. حتى تبلغ الحناجر. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. Le jour où l'individu va s'enfuir de son frère et de sa mère et de son père et de sa compagne et de ses frères, de sa tribu, de ses enfants, pardon, وبنيه, ses enfants. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. Ce jour-là, chaque personne aura quelque chose propre à lui qui va s'occuper. C'est-à-dire, il va juste s'occuper de son cas à lui. Il ne va pas penser aux autres. يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. الله سبحانه وتعالى يدي سجولة للسيال سحكم جميتال فونجي وتكون الجبال كالعهن للإليموتان سحكم العهن. Je n'ai pas vérifié la traduction de العهن, mais si on peut simplement vérifier par la suite, avec une salaire à Allah, on va pouvoir le savoir. ولا يسأل حميم حميما. Et un ami, quelqu'un qui avait comme quelqu'un pour ami, ne va pas demander à son ami quoi que ce soit. Le hamim, c'est deux amis qui étaient très proches. Ils vont se voir. Et Allah, il dit que le criminel, ce jour-là, le criminel, le mécréant, ce jour-là, qu'est-ce qu'il souhaiterait faire? Il souhaiterait pouvoir donner un rançon pour pouvoir se délivrer de leur châtiment. Il donnerait même un rançon leurs propres enfants, et même leurs femmes, et leurs frères, et toutes leurs tribus, hein, s'ils étaient capables de le donner en rançon pour se sauver de ce jour-là, il le ferait, hein. Et tout ce qu'il y a sur la terre, même si l'arbi jami'an, comme il dit, même s'ils étaient capables de donner la terre, le poids de la terre en or, se sauver ce jour-là, il le donnerait. Le chef dit, والإيمان بهذا اليوم يحمل الإنسان على العمل والاستعداد له. La foi en ce jour-là, ça amène l'homme à se préparer pour ce jour-là. كما قال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Allah سبحانه وتعالى dit dans ce verset, quiconque espère en la rencontre de son Seigneur, qu'il fasse une bonne œuvre, et qu'il n'associe rien dans son adoration pour son Seigneur. Il n'associe personne dans son adoration pour son Seigneur. Donc ça c'est un exemple dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il nous incite à nous rappeler que si on espère en sa rencontre, et on espère tous en sa rencontre, eh bien, on doit venir avec les œuvres pour nous préparer pour ce jour-là. D'accord? Et comment d'entre nous, chacun d'entre nous, on se prépare toujours pour un rendez-vous important. Si on sait qu'on a une entrevue pour un emploi, ou qu'on a quelque chose, un examen à l'école ou à l'université, que c'est très très important, on va tous se préparer pour réussir cet examen. Donc, ça c'est le plus important des examens. C'est le jour du jugement dernier. Donc, on doit mettre pour cet examen-là, pour cet examen-là, on doit se préparer la plus grande préparation possible. Et c'est une préparation qui doit continuer continuellement. C'est-à-dire, on doit rester toujours, wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, toujours prêt pour ce jour-là. Par la suite, le cheikh il dit, واستعينوا بالصبر والصلاة فإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. Et le Seigneur Ta'ala il dit, et cherchez l'aide dans la patience, dans l'endurance et la prière. Et c'est une chose très difficile, une chose très grande, excepté pour les humbles. Hein? Ceux qui sont convaincus qu'ils vont rencontrer leur Seigneur, wa annahum ilayhi raji'un, et qu'ils seront ramenés vers lui. Et ça, c'est un autre exemple ici dans de l'utilisation du mot avan. Il peut vouloir dire dans certaines choses, quand on n'est pas certain, il peut vouloir dire une chose et son contraire également. C'est-à-dire, dans ce sens-là, ça veut dire la certitude, alors que dans d'autres contextes, il n'a voulu illa vannan, oma nahnu bi mustaqilin. Lorsque des gens ne sont pas certains de quelque chose, on utilise le même mot, mais dans ce contexte ici, ça veut dire d'être certain que ceux qui vont être certains qu'ils vont rencontrer leur Seigneur. Ah, vous avez un adage? Ah, on va s'arrêter ici, inshallah. الحمد لله رب العالمين لا اله الا انت استغفرك و اتوب اليك